coupable, on est tous coupables. On est tous coupables comme les 12 apôtres, comme une épouse adultère. Coupable quand j'insulte mère, quand ils expulsent le père, quand le juge sert d'aime et qu'on pure père. Coupable comme X, Mumba, Chaka Zulu, l'Europe en zoo. Coupable d'être singe dans leur zone. Coupable d'être sincère, coupable d'être intègre. Coupable d'être un ange en enfer. Coupable comme si j'avais chuté un mec. Coupable sont mes vers, donc coupe moi sont mes vers. Hardcore, subtil, coupable. Tu voudrais qu'il y ait des sous-titres. Coupable, c'est tout moi-même. Pourtant elle-même aime, la haine manie. Coupable d'être un yinche parmi les yens. Coupable d'être un chien parmi les tiens. Coupable comme un juif pour un palestinien. Coupable pour les tiens, les miens, les tiens, les nôtres. Coupable et on s'en fout des autres. Présumé coupable, black, blanc, beurre. Tous coupables, prisonniers dans leur blanc. Présumé coupable comme les nôtres. Prisonnier, présumé, prisonnier dans nos sommets, les sommets. Présumé coupable comme les vôtres. Prisonnier, présumé, prisonnier dans nos sommets, les sommets. Maîtrise et mépriser les langues de pute qui disent mon rap est une insulte à l'artistique qui s'estime. Regarde ici, regard mystique du parfum sandal diagnostic. Mani Maria, coupable comme celui qui tient l'arme et le gun. Comme celui qui tue des hommes pour qui l'alarme est ta game. Comme celui qui, depuis la naissance, coupable marqué. J'ai plus la descente, j'ai pas d'essence quand j'ai pas d'équipe. Kid, t'as vu que c'est speed comme on vise hein. Tu chill avec ton mix, des plaques légistes te brisent hein. Coupable comme celui qui viole nos enfants, nos frères au fond du trou. Tu bises plus que Marc Dutroux au fond. Tout le monde s'en branle, tout le monde s'en bat. Mettre un blague dans la ville, parfois c'est grave et chaîne. Tout comme SN, le jour comme la nuit. Tu vois pas les signes, car je rime de jour comme la nuit. Ils pensent que j'ai la tête trop vide pour me défendre hein. J'aurais pas de jante, sauf pour me descendre hein. Coupable comme ce petit môme d'Afrique ou d'Homme-Dom. Coupable comme le Magnum, coupable d'être un homme. J'suis coupable comme les nôtres. Prisonnier, présumé, prisonnier dans nos sommets, les sommets. J'suis présumé coupable comme les vôtres. Prisonnier, présumé, prisonnier dans nos sommets, les sommets.